France Culture avec philosophie Géraldine Mühlmann. Ce vendredi, nous parlons d'actualité avec quelques philosophes. Après le changement de gouvernement et tout ce qui s'en est suivi, je vous propose cette question. Comment qualifier ce moment politique français ? Qualifier, tester des concepts, décortiquer, c'est bien un travail philosophique. Et nous aimons bien de temps en temps, dans Avec Philosophie, nous y essayer face à l'actualité. J'accueille donc deux philosophes. Bonjour Apolline Guyot. Bonjour Géraldine. Vous êtes membre de la rédaction de Philosophie Magazine. Et bonjour Florent Guénard. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris-Est-Créteil, directeur de la rédaction du site La Vie des Idées et très bon spécialiste de Rousseau. Rousseau, philosophe, peut être utile ce matin pour réfléchir au comportement que l'on peut attendre des membres d'un gouvernement républicain. Et puis nous avons un invité spécial ce matin qui décortique la vie politique et sociale de ce pays depuis de nombreuses années, qui adore écrire et vient d'ailleurs d'achever deux très beaux volumes de mémoires parus aux éditions L'Observatoire. Bonjour Jean-François Kahn. Bonjour. On ne le sait pas toujours, mais vous avez fait des études d'histoire avant de devenir journaliste, mais vous adorez aussi la philo. Vous en lisez beaucoup et depuis longtemps, vous dont le père était prof de philo, je ne me trompe pas ? Absolument. Et je signale en plus de vos mémoires, et toujours aux éditions L'Observatoire, la parution il y a quelques mois d'un nouveau livre intitulé « Comment on en est arrivé là ?» France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Pour commencer notre analyse du moment politique actuel en France, partons d'un point souvent souligné. Après la conférence de presse du président de la République mardi 16 janvier, l'expression « réarmement civique » a été beaucoup employée, vocabulaire militaire évoquant un nouvel élan qu'Emmanuel Macron souhaite donner au pays. Je voudrais savoir, cher philosophe, cher Jean-François Kahn, philosophe pour nous ce matin, si ce vocabulaire vous a intéressé, si c'est un vocabulaire qui suggère effectivement à vos oreilles de la volonté, de la force, ou bien si vous le trouvez un peu surjoué, voire déplacé. Florent Guénard. Avec l'idée de réarmement et la déclinaison qu'Emmanuel Macron essaie de faire autour de réarmement, il veut signifier, me semble-t-il, deux choses. La première chose, c'est qu'il veut, d'une certaine manière, marquer qu'il s'agit ici, pour lui, d'un moment extraordinairement important, historiquement important, comme s'il y avait une césure dans l'histoire qui allait ici s'accomplir dans les années qui viennent. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il cherche quand même, me semble-t-il, quelque chose comme un renouvellement permanent, réarmement, c'est à nouveau le « re » décliné autrement. Alors, sur ces deux points, en fait, j'ai une petite gêne. D'abord, réarmement civique, je veux bien, mais réarmement est utilisé à la fois au propre et au figuré quand il l'emploie. C'est-à-dire au propre, parce qu'il s'agit... Comme une métaphore et puis au sens propre. Et au sens propre, exactement. Au sens propre, parce qu'il s'agit effectivement de remettre en route la machine militaire, on le voit bien. Il faut alimenter en armes l'Ukraine. Il faut remettre toute une industrie à l'échelle européenne, aussi pas seulement française, une industrie de l'armement en route. Et ça, ça c'est un sens propre. Et puis, il y a le sens figuré, c'est-à-dire qu'est-ce que signifie réarmement civique ? Qu'est-ce que ça signifie Il a donné des exemples, notamment prendre la mesure du mal que les écrans font à nos enfants. Oui, mais s'agit-il ici de réarmement ? Mais s'agit-il ici de réarmement ? C'est moi qui vous demande la chose, hein, je ne réponds pas. Mais je ne crois pas que le vocabulaire ici soit adapté. Au contraire, moi je veux bien qu'on lutte contre les écrans, mais on ne lutte pas contre les écrans comme on lutte contre l'armée russe en Ukraine. Donc, c'est tout un tas de dispositifs extrêmement savants qu'il va falloir mettre en place. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il avait effectivement diligenté un certain nombre de commissions pour étudier tout cela. Donc, le vocabulaire me paraît un peu excessif, en effet. Vous êtes d'accord, Apolline Guyot ? C'est parfois le vocabulaire de la force et de la volonté. On peut lire autre chose en dessous. On se dit, tiens, il y en a quand même beaucoup. Est-ce que ça ne dirait pas de l'incertitude ? Oui. Peut-être même de la fragilité, à force de parler de la force toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire ? À mon avis, c'est un, comme vous l'avez souligné très bien, c'est un mot, déjà, qui fait appel à un imaginaire. Et je pense que c'est un imaginaire qui est très facile à mobiliser. C'est un peu une manière de simplifier avec un seul terme des problèmes très complexes. Et on le voit d'ailleurs aussi dans l'écologie, il y a de plus en plus de gens qui font appel à un projet Manhattan pour l'écologie. Ces derniers temps, on entend beaucoup l'idée qu'il faudrait s'occuper de l'écologie comme on s'occupe d'une guerre. On a cette idée quand même que la guerre est un petit peu le dernier grand fédérateur. On voit l'Ukraine, voilà, la population ukrainienne a été exemplaire. D'ailleurs, Macron l'a répété à plusieurs reprises. Et ici, il faudrait avoir cette même exemplarité d'un peuple qui serait en guerre. Et je pense que c'est effectivement ici tiré sur une corde imaginaire qui est plus simple à mobiliser que, par exemple, créer un vrai projet politique commun auquel tout le monde pourrait s'identifier. Désigner un ennemi, c'est toujours plus simple. Jean-François Kahn, que pensez-vous de ce réarmement civique ? D'abord, c'est un classique. L'expression réarmement moral fait partie un peu de notre logomachie traditionnelle. Réarmement civique, réarmement moral. En plus, il y a une omniprésence dans le débat politique de la référence à la guerre. Nous sommes en guerre. On est toujours en guerre. Si c'est la sécurité, nous sommes en guerre sur la sécurité. Si c'est le social, nous sommes en guerre. Et le virus aussi, rappelez-vous, le Covid. Le virus, de gauche et de droite, hein, c'est etc. Mais ce qui me frappe surtout dans le concept de réarmement, c'est quelque chose, alors peut-être plus français, c'est que on commence toujours. Je veux dire par là que, alors c'est plus net à droite qu'à gauche, mais c'est toujours, on arrive au pouvoir, on va commencer. C'est-à-dire qu'en fait, qui que ce soit qui arrive au pouvoir, c'est une suite. Il y a eu des choses avant. Oui. Il y a eu des lois avant. Ah non, on était ruiné, on était au degré zéro, heureusement on arrive, et comme on arrive, on va tout recommencer. Et c'est absolument terrible ça. C'est-à-dire, il n'y a pas d'idée de continuité. Enfin, soi-disant, il y a l'idée que tout commence avec nous. Et c'est ça qui me frappe beaucoup dans le réarmement. Donc on était désarmés. Totalement désarmés. Et donc, puisqu'on était désarmés, on réarme. Ben non. C'est pas vrai. Ouais. Alors sur ce point, on peut changer d'arme et on est toujours armé. Sur ce point, je voudrais vous faire entendre un passage de la conférence de presse d'Emmanuel Macron où justement il évoque les émeutes. Il donne l'impression dans son analyse de ce qui s'est passé en juin-juillet 2023 que quelque chose même du côté du pouvoir avait été mal fait. On n'allait plus à l'école depuis le mois d'avril, dit-il, dans certains établissements à cause des réformes même du pouvoir. Mais ben c'est pas grave, on va recommencer pour parler comme vous. Alors écoutons Emmanuel Macron. Quand j'ai parlé aux maires dans les 500 communes où il y a eu ces émeutes, d'abord elles sont intervenues fin juin. C'était beaucoup de très jeunes qui étaient dans les rues. Et c'était des jeunes, c'est une erreur qu'on a commise, qui étaient souvent sans école depuis le mois d'avril. Réforme du brevet, réforme du baccalauréat, l'organisation commune, le système tel qu'il marche. Plus de classe. L'oisiveté. Vous savez, les vieux préceptes parfois disent beaucoup. C'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer, à la montagne, qui justement n'ont pas assez accès à la culture, au sport. Ils s'ennuyaient. Il y a eu un événement déclencheur. La mort d'un jeune, du jeune Noël. Mais ça a été l'élément déclencheur. Mais il y avait ça. Des jeunes sans activité. Très jeunes. Et ensuite, les écrans ont eu un rôle très important qu'on n'avait jamais vu. C'est-à-dire, en quelques minutes, on voyait des centaines d'actions se déployer, des rendez-vous donnés sur tel ou tel, je ne ferai pas de stigmatisation, réseau social, par l'écran. Et il y a eu une forme de mimétisme qui a conduit à un embrasement totalement déraisonné. Vous allez sans doute, chers invités, philosophes du jour, analyser cette manière qu'a le chef de l'État de penser les émeutes, les causes qu'il donne. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que c'est un peu scandaleux de tout réduire à ce qu'il dit? Je vous pose la question. Mais pour rejoindre notre petite discussion d'avant, Jean-François Kahn, il dit c'est une erreur que nous avons commise. Donc nous avons gouverné, nous avons fait des réformes du baccalauréat, du brevet des collèges, qui fait que plein d'enfants n'étaient plus vraiment scolarisés tous les jours à partir du mois de mai. Et puis soudain il dit c'est une erreur que nous avons commise. Mais recommençons, quoi, finalement. Enfin, je trouve quand même que le mea culpa, ce qui va nous renvoyer à un autre sujet, la parole publique fait des mea culpa, et puis finalement, c'est pas très grave. Allez, on réarme. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois qu'il y a une chose qui a été mal perçue chez Macron, c'est qu'il ne cesse de faire une autocritique. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas vrai. Hein, une de ses rhétoriques, c'est justement, ah oui, j'ai commis des fautes. Il y avait ça chez Sarkozy aussi, vous vous souvenez? Oui. Chez Sarkozy, il y avait, oui, c'est vrai, je me suis trompé, mais ça y est, je suis un nouvel. Il y a chez Macron cette espèce de leitmotiv de l'autocritique et de l'erreur. Renaissance, pour reprendre un mot qu'il aime. Mais si vous me permettez, je voudrais faire une petite remarque. Mais allez-y. Parce que vous allez parler des mots. Oui. Un peu, voilà. Je crois que, quand on essaye de faire une analyse politique de la situation, ce que vous allez faire, oui, et en particulier des phrases, des mots, je crois qu'il faut bien voir quelque chose. C'est qu'il s'est passé, avec l'élection de Macron, quelque chose de considérable, c'est-à-dire que depuis 60 ans, on était structuré mentalement par un système qui n'avait pas changé. Gauche, droite, faut être chef d'un parti, faut avoir été conseiller général, etc., etc. Oui. Là-dessus, et ça structurait totalement mentalement, même si on ne savait plus pourquoi. C'est-à-dire la structure, comment on dirait, transcendait le pourquoi de la structure. Et tout à coup, tout vole en éclats. Il vient, on ne sait pas d'où, il paraît-il qu'il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche, il n'a pas été chef de... Enfin, tout. Et donc, il y a une déstructuration mentale. Et ce qu'on sous-estime, oui, c'est qu'en vérité, ça rend du fou. Et que quand on essaye de faire une analyse politique, on se trompe, c'est une analyse psychanalytique qu'il faut faire. En vérité, notre politique aujourd'hui est passible... Elle est névrotique. Voilà, est passible d'une analyse vraiment psychanalytique. Vous parlez des termes. C'était il y a 2-3 ans, vous savez, après le quoi qu'il en coûte. On a dépensé oui, oui, avec des... Vous avez un député insoumis qui a fait un discours. Tout son discours, c'était contre la politique austéritaire. C'était le moment où on dépensait. Oui. C'était extraordinaire, c'est-à-dire que la musique était préenregistrée. Donc le rapport au réel, il n'y avait plus le rapport au réel. C'était une musique enregistrée dans les têtes. Et comme il y avait une déstructuration mentale, la musique se déclenche toute seule. Par exemple, il y a même ce qui a été dit sur la loi émigration. On peut être indigné la loi émigration, mais c'est pire que les lois antisémites de Vichy. C'est une musique. Ça n'a aucun rapport. Personne ne peut dire que les lois anti-immigration, c'est pire que les lois antisémites. Et je veux dire, il y a toute une, et quand vous regardez ce n'est pas que les hommes ou les femmes politiques. Si vous regardez, moi, je regarde beaucoup ça m'intéresse beaucoup, oui, qui est le site du Figaro. Parce que d'abord, il est assez bon et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'internautes. Mais encore aujourd'hui, la majorité des internautes dénoncent le gouvernement socialiste de Macron. Oui, donc, si vous voulez, il faut quand même bien comprendre qu'on a une déstructuration mentale, une forme de folie collective qui fait que si on ne fait pas une psychanalyse, on passe à côté. Et en particulier, ce problème, puisque c'est le thème de votre émission... Oui, Que les mots, que les expressions n'ont plus aucun rapport avec la réalité, ce n'est plus qu'une chanson que l'on chante à soi-même pour se rassurer. C'est terrible ce qu'il dit quand même là, Jean-François Canapoline Guyot. Oui. Philosophiquement, oui, qu'il s'agisse de psychanalyse ou de sociologie ou des deux à la fois, c'est assez grave. Les régimes où le langage est tombé malade sont des régimes vraiment très inquiétants. On l'a dit pour l'Allemagne nazie, on le dit pour pas mal de régimes autoritaires. Là, nous sommes en démocratie, on mélange pas tout, c'est pas Vichy. Mais il y a une maladie du rapport au réel et des mots. Voilà ce qu'il nous dit Jean-François Kahn. Surtout que, par exemple, le terme de réarmement, on peut dire quasiment que c'est un usage marketing, quoi. C'est un slogan qui n'a de valeur non pas pour la réalité à laquelle il va renvoyer. On ne sait pas vraiment ce que ça va être, ce réarmement, les natalités, réarmement civique, on ne sait pas. Par contre, ça n'a de valeur que par les effets que ça produit. Et d'abord, les effets que ça produit sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on fait là, c'est-à-dire qu'on commente. Oui. Et c'est là aussi où, c'est quasiment de l'ordre du cancer, quoi. C'est-à-dire, on a une multiplication des cellules complètement désordonnée, c'est une multiplication des discours, une multiplication des commentaires autour d'un terme, autour d'une anecdote. Qui fait que du coup le langage n'a plus vraiment prise sur le réel, mais plus sur ce qu'on va en dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Florent Guénard ? Oui, alors je suis d'accord avec vous. Il faudrait voir si on a là ce qui caractérise particulièrement le moment présent ou si on n'a pas eu quand même par le passé des effets formules quand même du langage politique. La démocratie s'organise à travers une confrontation des discours et ces discours cherchent toujours de toute façon à produire des effets rhétoriques. Là, de fait, il y a des effets rhétoriques qui sont pointés. Moi, ce qui me semble le plus embêtant, alors dans l'extrait du discours d'Emmanuel Macron que vous avez passé, c'est pas tellement le fait qu'il revienne d'une certaine manière sur sa propre action, parce que d'une certaine manière, on peut quand même se féliciter du fait que les hommes politiques s'interrogent sur les conséquences des décisions qu'ils prennent. Des réformes qu'ils ont faites. Oui, voilà. Quand même. Donc, c'est quand même aussi ce qui est attendu dans leur responsabilisation. Ouais. Donc ça, c'est quand même attendu. Donc de ce point de vue-là, moi, je n'ai rien à redire. En revanche, c'est sur l'analyse, évidemment, des causes des émeutes. Alors, allez-y, je vous écoute. Qu'a-t-il dit qui vous intéresse? Qu'a-t-il dit qui ne vous plaise pas? C'est surtout ce qu'il n'a pas dit. C'est surtout ce qu'il n'a pas dit qui m'intéresse. C'est-à-dire poser la question sociale. C'est-à-dire revenir sur les causes sociales, en fait, et de la manière dont les habitants se projettent dans l'avenir au sein des banlieues. Revenir sur ces questions-là. C'est-à-dire poser la question qu'il pose assez rarement, qui est la question des inégalités. Dans le réarmement civique, par exemple, il nous annonce une expérimentation sur l'uniforme dans un certain nombre de lycées. Bon, moi, je veux bien, mais l'argumentaire consiste à dire l'uniforme, c'est formidable parce qu'on ne voit pas les inégalités. Mais il ne s'agit pas de ne pas voir les inégalités. Il s'agit, me semble-t-il, quand on est dans un État qui essaye d'organiser quand même démocratiquement l'existence commune, de faire en sorte qu'elle soit le plus réduite possible. Donc il ne s'agit pas d'effacer la visibilité des inégalités, mais il s'agirait quand même en tout cas, il me semble que c'est attendu, de lutter contre l'accroissement des inégalités. Donc là, on a un effet, effectivement, de décalage entre un procédé rhétorique, parce que d'une certaine manière, l'uniforme, c'est aussi quelque chose de rhétorique, et son accord à la réalité. Et puis, oisiveté et écran, je ne dis pas du tout que ce ne soit pas intéressant de poser ces problèmes, mais est-ce que ça suffit, d'après vous, à expliquer les émeutes de la jeunesse en juin-juillet 2023? Certainement pas. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas que là où les émeutes se sont déclenchées, qu'on regarde les écrans. On les regarde un peu partout. Tout le monde les regarde. C'est un phénomène assez général. Je vois pas pourquoi on irait spécifier ici un endroit. Le rapport à l'écran est une question. Je ne dis pas que c'est pas un problème. Et d'ailleurs, c'est un problème sans doute qu'il faut traiter. C'est un problème qu'il faut traiter scientifiquement. Mais c'était un problème aussi. Et ça, il l'a dit, le président. Il l'a dit. Et je pense qu'il a. Il a raison de le dire. Il faut le traiter scientifiquement, il faut le traiter aussi à son niveau. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'interdire les écrans parce que ça fait partie d'une liberté quand même d'expression et de communication. Donc c'est un voilà. Et il ne s'agit pas non plus de faire le travail que les familles doivent faire. C'est-à-dire que le travail d'éducation. C'est-à-dire que, en revanche, les pouvoirs publics peuvent aider justement à ce que ce travail d'éducation soit fait. Ça, c'est certain. Qu'est-ce que vous pensez, Jean-François Kahn, de ce discours global sur les émeutes? Est-ce que cette façon de décrire une jeunesse en souffrance, que je pense que le président voulait dire qu'il y a une souffrance liée au fait qu'il était loin de l'école depuis plusieurs semaines et il a fait un mea culpa lié à ses réformes, et puis le rapport aux écrans, ça crée aussi de la souffrance, enfin ça crée aussi de la contagion, a-t-il dit, et des engouements. Mais est-ce que c'est pas une manière de parler de la jeunesse très infantilisante et sans mettre la question sociale, comme disait Florent Guénard, au centre, malgré tout, de cette révolte qui avait des raisons? Ça ne veut pas dire que les raisons l'excusaient, cette révolte, mais les raisons, quand on analyse, on est quand même obligé de les déplier, de les mettre sur la table. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François? De toute façon, parler de la jeunesse, déjà, c'est absurde, ça n'existe pas. Il y a des jeunes de droite, de gauche, du centre. Donc déjà, ce concept, quand je lis un journal aussi sérieux que Le Monde, et que Le Monde sans arrêt vous dise « les jeunes pensent que la jeunesse dit que la jeunesse... » Dans quelle jeunesse? C'est ridicule. Il y en a plusieurs, En plus, c'est pour démontrer que la jeunesse... Si c'est des journaux de gauche, que la jeunesse, elle est révoltée socialement et tout. Comment elle vote, la jeunesse? On a des chiffres. LFI, RN, et rien du tout parfois. Non, on a des chiffres, elle vote majoritairement Rassemblement National. Rassemblement National. Se trouve que les Insoumis ont progressé par rapport à... Mais majoritairement, donc, quand vous lisez certains commentaires, vous avez l'impression que toute la jeunesse est d'extrême-gauche. Déjà, c'est bon. D'autre part, quand vous voyez les commentaires qu'on fait sur les émeutes, ce qui est très intéressant, quand je vous disais qu'il y a ce phénomène du pré-enregistrement de cassettes dans les têtes, voilà. Nos têtes sont des appareils où il y a des cassettes préenregistrées depuis le temps. Ben là, c'est très net. Vous avez ce émigration. Oui. Ah bon. Islam, c'est parce qu'ils sont musulmans, etc. Sécurité, mais inégalité, mais les services publics qui n'ont pas été développés. Mmh. Et chacun est totalement, collé à son explication. N'importe qui, quelqu'un de tout simple, sait qu'il y a tout ça en même temps. Que c'est pas ça. Il y a une interférence, un mélange de tous ces facteurs. Mais ceux qui mettent l'accent sur un facteur nient totalement la possibilité de que l'autre facteur ait pu jouer. Il y a ceux pour qui, ah non, c'est rien à voir avec la sécurité sociale, c'est l'immigration et l'islam. Il y a ceux, au contraire, tout est l'inégalité sociale. Ce n'est que l'inégalité sociale. Naturellement, rien rapport avec l'immigration. C'est ça qui est inconcevable. Donc c'est un rapport à la pluralité qui est malade aussi. Oui, c'est ça, la pluralité du... Alors vous me direz, vous me faites remarquer que ce que je dis est un classique de la vie politique. Ça a toujours été ça. Mais ça atteint, et c'est là où je dis qu'il y a une psychanalyse à faire, ça atteint un degré absolument inouï. C'est-à-dire, en plus... Les gens ne se parlent plus. C'est un autre élément de notre débat. Mais où est-ce qu'aujourd'hui il y a des vrais débats? Je suis très frappé quand je lis les journaux. Les journaux ont des rubriques débats. Oui. Avant des rubriques débats, c'est bête. Hein. Moi, j'ai longtemps cru, mais je reconnais que c'est dépassé comme idée, que des débats, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord et qui échange leur désaccord. Mais pas du tout. Dans les rubriques des gars, aussi bien des journaux de droite que de gauche, c'est des gens qui sont d'accord entre eux. Dans la presse d'opinion avec côté, des bulles. L'autre jour, je regardais, j'ai pas de télévision moi, mais l'autre jour, je regardais chez des amis CNews. Il y avait un débat, il y avait 5 personnes. Mais ils pensaient tous pareil. J'aurais jamais cru qu'il y aurait des débats avec 5 personnes qui pensaient tous pareil. Et comme ils pensaient tous pareil, évidemment, ça pouvait être très chiant. Donc, il parlait d'autant plus fort, faisait d'autant plus de surenchère, parce qu'il fallait faire croire que c'était quand même pas totalement pareil. Bon. Et c'est absolument... Le débat est fracturé en petites bulles d'opinion. C'est ça la conséquence de ça, c'est ce qu'on dit là. C'est-à-dire que y a des voix parallèles. Chacun, au fond, comme le discours est préenregistré, d'un côté comme de l'autre, un discours préenregistré ne peut pas prendre en compte le discours de l'autre, puisqu'il est préenregistré. Excusez-moi, mais Emmanuel Macron a beaucoup dit dans cette conférence de presse que justement, lui, il réhabilitait le « en même temps », il l'a dit à un moment, pour penser des choses plurielles en même temps. Est-ce qu'il fait ce qu'il dit? Alors ça, moi, j'y crois pas du tout à la thèse sur l'oisiveté momentanée, mais au moins elle était nouvelle. Je l'avais jamais entendue celle-là. Je la trouve absurde, mais au moins je l'avais jamais entendue. Apolline, que pensez-vous, Apolline Guyot, de cet échange qu'on vient d'avoir sur les émeutes? Je voulais juste réagir à ce que vous disiez sur le fait que c'était pas nouveau. Moi, justement, j'avais l'impression d'avoir entendu l'oisiveté, mère de tous les vices. C'est quand même C'est assez vu et revu comme argument. C'est un vieux topos, en fait. C'est un vieux topos, c'est ce qui est très intéressant. Et je pense qu'il y a une individualisation du problème, c'est-à-dire on va rejeter la faute sur les parents défaillants, ça avait été mentionné plus tôt dans l'année, qu'il y avait des parents qui prenaient pas leurs responsabilités. Là, c'est les enfants qui sont oisifs, qui sont trop sur les écrans. Et du coup... Et les réformes elles-mêmes, qu'il faut d'avoir... Les enfants trop loin de l'école au printemps. Exactement, il y a ces différents facteurs-là, mais la cause indirecte, c'est les réformes qui ont bloqué les écoles, mais la cause directe, c'est quand même l'oisiveté et les écrans, la façon dont ils le présentent. Et c'est comme si, faute d'avoir un espace public avec une offre qui soit séduisante pour les jeunes, d'avoir, comme vous le disiez, les inégalités qui provoquent effectivement un sentiment d'injustice, faute d'avoir des réponses à ça, on va aller amener le politique chez les gens. C'est-à-dire, on va décréter que est politique la manière dont les gens gèrent leur temps d'écran, est politique la manière dont ils vont gérer leur temps, s'habiller. On va politiser des sujets privés pour tout simplement intéresser les gens, parce que les gens ne s'intéressent plus, à mon avis, les jeunes et les gens qui ont totalement déserté le champ politique, qui votent plus, n'ont plus intérêt, en fait, à s'intéresser à l'espace public. Et je pense qu'il y a du coup une opposition entre espace public et espace privé qui se joue ici et qui est très intéressante et qui est liée aussi. L'année dernière, il y a une étude IFOP qui est sortie sur la manière dont les gens se représentaient la France. Et la première réponse qui a été donnée à la question qui pour vous représente le mieux la France aujourd'hui, les écrivains, les artistes, les hommes politiques, enfin, il y a plein de réponses possibles. La première réponse, c'était personne. La réponse personne était suggérée, 44% des gens mentionnaient personne. Ce qui veut dire qu'il y a un problème d'offre, un problème de un manque qui va être comblé de différentes manières. Mais ce problème-là, tant qu'on ne l'adresse pas, c'est d'autres. C'est par exemple le Rassemblement National. Lui, il a une offre, c'est l'offre de le grand emplacement. Ils nous envahissent. Enfin, il y a une offre très claire qui est politique, qui est sociétale et qui n'est pas purement individuelle. Et je pense qu'il y a besoin de se reconfronter à ça si on veut endiguer aussi l'avancée des extrêmes. Vous voulez réagir à cela, Jean-François Kahn ? Deux choses. C'est que d'abord, il faut faire attention. L'argument qui est juste, mais ça, on l'a déjà dit, ça a toujours été dit, etc. Attention, quelquefois, ça a toujours été dit, mais c'est vrai. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège. Ah ben, c'est pas vrai, puisque ça a toujours été dit. C'est une banalité. Oui, ça a toujours été dit, mais c'est vrai. Bon, ça, la deuxième argument, c'est qu'il faut aussi faire, dans les espèces de réponses mécaniques, celle de la droite, l'émigration, c'est une forme de folie psychanalytique dont je vous parlais, à force de répétition, mais répondre à quelques questions. C'est la question sociale aussi. Ça fait des années, j'ai un âge assez avancé, et j'ai toujours connu une fraction de la gauche qui n'a que cette réponse. Il y a un problème, c'est la question sociale. Il y a un problème, c'est la question sociale. Ah, il y a un problème, etc. Ah, c'est la question. Il suffit pas de dire ça. Naturellement, vous avez tout le monde pour vous. C'est les inégalités, c'est la question sociale. Mais c'est des fois, c'est plus complexe, c'est plus que cela. Quant à personne, ça, c'est très grave. Parce que une des choses qui se passe aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de CNews, mais il n'y a pas que CNews. C'est que quand j'écoutais l'émission CNews, avant l'extrême droite, enfin, Maurras avait un concept qui s'appelait l'anti-France. Mais pour le coup, là, c'était vrai. C'était vraiment l'anti-France. Pour eux, pour ceux qui parlaient, vous voyez. Ah ben non, c'était la France de merde, tout va mal, tout est horrible, tout est affreux. Il y avait une haine de la France qui suintait. Non seulement c'était un discours de guerre civile, vraiment une guerre civile. Je m'en fous que ce soit droite ou de gauche, il peut y avoir une télé droite, c'est leur droit. Mais là, c'était au-delà de la droite, c'était un discours de guerre civile. Mais c'était un discours de haine de son pays, de haine de la patrie. C'était vraiment, pour le coup, ça donnait un sens, c'était vraiment une anti-France. Et ça, ça finit par avoir des répercussions formidables. Et en effet, se répand de plus en plus dans notre pays, sous l'influence plus de la droite aujourd'hui, d'ailleurs, paradoxalement, que de la gauche, cette idée qu'il n'y a rien, il n'y a plus personne, on est foutu, qu'il n'y a pas d'alternative. C'est horrible. Comme dans la question alors qu'il faut espérer, il faut avoir des alternatives, il faut construire. Rien. Moi, quand je me promène en France, je voyage en France, mais je vois, bien sûr, je vois des horreurs. Bon, mais je vois des choses formidables. Je vois des gens qui imaginent, je vois des gens qui créent, je vois des gens qui se donnent, je vois une capacité de don. C'est extraordinaire, on en parle. Ce n'est que c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Sans arrêt, tout le temps, chaque heure, rien qui permet d'espérer, de se battre, etc. Ça, c'est un des problèmes absolument tout à fait important d'aujourd'hui. Comment qualifier ce moment politique français ? C'est à cela que nous nous attelons ce matin en compagnie de Jean-François Kahn. Vous l'aurez entendu, là, vous venez de faire un long développement qui donne beaucoup à réfléchir, et en compagnie des philosophes Apolline Guyot et Florent Guénard. Florent Guénard, voulez-vous réagir à l'ensemble des choses qui viennent d'être dites par Jean-François Kahn ? La première chose, c'est que... Alors évidemment, la question sociale est un discours sans doute qui est un marqueur, d'une certaine vision politique. Je suis d'accord avec vous. C'est pas pour autant que c'est un discours automatique, et c'est pas pour autant que la question sociale n'existe pas. Donc je crois quand même. C'est ce que je disais. Je dis que c'est pas parce qu'on l'a toujours dit que c'est faux. Voilà, voilà. Donc je pense que c'est assez juste, et je ne dirais pas qu'aujourd'hui c'est un discours dominant. Donc c'est pas l'explication c'est pas l'explication la plus avancée aujourd'hui pour rendre compte de la situation politique française. Vous dites même que ça a manqué là. Et là, ça, à mon avis, ça a clairement manqué. C'est-à-dire que ça manque d'autant plus que toutes les études économiques aujourd'hui vous disent que les inégalités n'ont jamais autant été marquées. Et que, comme si, au fond, cet écart entre les riches et les pauvres n'avait aucune incidence sur la manière dont on envisage un destin commun. Et pourquoi ? Je crois qu'il faut quand même qu'on arrive à poser cette question-là. Ce que vous dites là, c'est vrai, mais pourquoi ? Parce que c'est un élément très important. C'est tout à fait vrai, on n'a jamais vu ça. Eh ben oui. Mais c'est pas à cause du fait que les pauvres seraient de plus en plus pauvres. C'est le fait que les riches sont de plus en plus riches. C'est-à-dire que les rémunérations des riches ont atteint des sommets qu'on ne pouvait même pas imaginer. Mmh. C'est ça qui a creusé les inégalités. Plus qu'un appauvrissement général. Je pense qu'il faut augmenter les salaires qui sont insuffisants et tout. Oui. Mais on peut pas dire qu'on vit depuis 10 ans sur une dégringolade, une dégradation totale. Mais en revanche, la richesse a atteint des sommets absolument inouïs. Florent Guénard. D'abord, c'est dégringolade quand même, on l'a vu, et elle est quand même aussi instruite. La baisse du pouvoir d'achat, l'inflation, etc., sont des phénomènes économiques qu'on peut pas nier à court terme. Et puis, deuxièmement, je suis d'accord avec vous. L'écart grandit parce que la fortune des riches augmente, mais l'écart lui-même a une importance. L'écart. C'est ce que je vous dis. Mais oui, mais l'écart a une importance psychologique pour la manière d'organiser. C'est exactement, et de se penser à l'intérieur d'une communauté. Vous dites la même chose sur ce point. Pour gagner qu'aujourd'hui, quelqu'un c'est pas 10 000 personnes, un certain nombre de gens gagnent ce que pour gagner la même chose, un de ses salariés devrait avoir travaillé depuis le règne de Philippe Auguste. Merci pour cette... c'est très suggestif. Je vous propose de reprendre un point que Apolline Guyot tout à l'heure a souligné, qui est le côté marketing de la politique. Vous avez employé ce mot. C'est comme si, dans la politique, de plus en plus... C'est pas tout à fait nouveau, hein. On l'a évoqué avec Jean-François Kahn, mais il y a de plus en plus l'idée que il faut donner des bonnes marques au peuple. Et il me semble que c'est une des choses qui s'est fait entendre au moment de cette annonce choc de Rachida Dati devenant ministre de la Culture. Écoutez comment le président du parti Les Républicains, Éric Ciotti, a accueilli cette nomination. Le Premier ministre m'a appelé... Coup auquel s'est prêté... Le Premier ministre m'a... Je vais vous faire une confidence. Il vous a appelé, Gabriel Attal? Il m'a appelé deux fois la semaine dernière. Il m'a appelé le soir où il a été nommé. Et il m'a dit, tu sais, nous ne procéderons à aucun débauchage dans ton camp. Aucun. De parlementaire. Aucun. Non. Aucun. Oui. La nuance. De parlementaire. C'est moi qui l'ai eu. Hein. Il n'a pas dit parlementaire. Et il m'a dit ça sert à rien les débauchages parce que ça n'améliore pas la majorité et ça crispe. Bon. Et les débauchages individuels, ça sert à rien. Et il m'a rappelé après que le gouvernement soit sorti et il m'a dit, tu sais, je suis un peu désolé, mais Rachida Dati, c'est pas LR. Rachida Dati, c'est une marque que l'on a achetée. Après, c'est un coup politique qui est censé nous faire mal, bien sûr. Et personnellement, j'ai été peiné parce que Rachida est une amie. J'ai un long parcours avec elle. C'est quelqu'un que j'apprécie. Et c'est vrai que quand on est dans une famille et qu'il y a cette situation, en faisant ce choix, et je lui ai dit, parce que j'ai eu aussi Rachida Dati quelques minutes avant qu'elle rentre au gouvernement, j'ai dit naturellement, tu sais que c'est incompatible avec l'appartenance à notre famille politique, c'est pas un drame. Alors, Rachida Dati, qualifiée de marque que l'on a achetée, je cite, ce sont donc les mots d'Éric Ciotti. Mais écoutez maintenant une autre réaction sur sa personne, et de quelqu'un qui vient d'un tout autre bord politique, c'est Alice Coffin, conseillère municipale de Paris, écologique. Écoutez-la. Rachida Dati, moi je la côtoie au Conseil de Paris, c'est la chef, c'était jusqu'à ce soir, la chef de la droite parisienne qui est à peu près ce qui se fait de pire dans ce pays au niveau politique, anti-écologique, antisocial et j'en passe. Ceci étant posé, pour moi, j'ai pas mal d'attentes en fait et pas mal de très bonnes raisons d'avoir des attentes quant à la présence de Rachida Dati au sein de ce gouvernement. Pourquoi ? Parce que c'est une femme politique qui fait partie des extrêmement rares femmes politiques qui n'a pas peur des hommes. Qui n'a pas peur des hommes et qui a toujours usé de son verbe, ce qui est très important aussi en politique, de son langage politique, pour les dézinguer quand c'était nécessaire, pour prendre position, pour faire des signalements pour harcèlement moral et sexuel contre un député, par exemple, macroniste, comme ça a été le cas pour Gilles Lejeune, donc pas des moindres, et puis que je l'ai contesté moi aussi au quotidien, en fait, au Conseil de Paris, où elle a fait preuve, moi, à mon égard, d'une grande solidarité dans ce qui est d'être défendue face aux nombreuses attaques sexistes qui émaillent la vie politique. Apolline Guillot, ça signifie donc que oui, Rachida Dati est une marque, comme dit Éric Ciotti, même une marque au sens du marketing peut-être, mais même au sens du repère. Alice Coffin dit là, en termes de rapport homme-femme, c'est un repère intéressant, une marque sur le sol. Rachida Dati se défend face aux hommes politiques mieux que beaucoup d'autres femmes. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours, de tout ce discours? Les deux discours qu'on a entendus, Éric Ciotti, qui dit qu'effectivement Rachida Dati est une marque qu'on a achetée, c'est assez, la façon dont il le formule est assez surprenante, enfin même un peu choquante. On se dit c'est une dévaluation un petit peu de Rachida Dati, enfin dans la façon dont il le présente. Ensuite, je voulais juste revenir sur ensuite la manière dont Rachida Dati est présentée comme une femme qui sait répondre aux hommes. Pour moi, c'est déporter en fait la femme politique de ses idées, puisqu'elle dit je ne défends pas du tout ses idées, c'est ce qu'il y a de pire, etc. En mettant plutôt en avant son identité, c'est-à-dire sa personnalité, ce qu'elle va envoyer comme signal. Et ça, effectivement, c'est très symptomatique, à mon sens, d'un moment politique où c'est les personnes, c'est les identités personnelles qui vont faire le politique plutôt que la manière dont ils se projettent dans le projet français ou l'espace commun. Et là encore, il y a une individualisation, comme je disais tout à l'heure, qui est un peu rampante, du fait qu'ici, on va même plus considérer ce qu'elle va faire ou ne pas faire, mais plutôt ce qu'elle va dire ou ne pas dire. Et elle parle aussi de sa rhétorique, de la manière dont elle parle, comme si c'était Rachida Dati, c'est une marque et c'est aussi un signal. Florent Guénard, je vous vois approuver ce que dit Apolline Guillot, ouais, là. Je suis tout à fait d'accord. Ce qu'on perçoit à travers ces deux extraits, là, de ces deux déclarations, c'est quand même l'idée que Rachida Dati, c'est une figure avant d'être une compétence. C'est-à-dire qu'on est allé chercher cette figure-là, parce qu'elle incarne un certain nombre de choses. Alors, Éric Ciotti y voit une marque de la droite, on peut y voir une marque de liberté de la femme, etc. Mais c'est d'abord une figure, et pas tellement, là, on n'est pas allé la chercher d'ailleurs, pour sa compétence en matière culturelle. De toute façon, elle a dit elle-même qu'elle a fait tout un tas de déclarations, qu'au départ, elle voulait pas du ministère de la Culture, qu'elle préférait un autre ministère plus prestigieux à ses yeux, etc., etc. Donc, là aussi, c'est... Alors... C'est grave, docteur, ce qui se passe, là, avec un personnage comme Rachida Dati, ou bien c'est normal? C'est même positif, a l'air de dire non, Alice Coffin. Non, je ne sais pas si c'est grave ou pas grave. Je vais dire, c'est la suite qui le dira si c'est grave ou pas grave. Ce qui me semble qu'on peut dire dès maintenant, c'est que ça signifie qu'aujourd'hui, on fait rentrer au gouvernement des figures qui s'emparent d'un certain nombre de dossiers et que toutes ces questions-là sautent au faux des dossiers. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à un ministre d'incarner mais la culture. Mais quelle figure, Florent Guénard? On ne demande pas à un ministre de l'Éducation nationale d'incarner l'éducation nationale. Mais est-ce que vous avez entendu dans l'espace public qu'on ait beaucoup rappelé que Rachida Dati est une figure, quelqu'un qui vient de l'immigration, de l'intégration oui, aussi, à la française? Mais j'ai l'impression qu'on ne l'a plus dit. En fait, elle incarne autre chose aujourd'hui. Justement, c'est pas ça qu'on a mis en avant. J'ai l'impression que beaucoup de gens... Vous l'avez senti? Moi, j'ai senti plutôt une figure, quelqu'un qui se laisse pas faire dans la vie. Vous voyez, c'est ça que j'ai entendu. Mais bon, ouais, davantage. Une figure du réarmement, c'est-à-dire voilà, de la volonté, ouais, de l'énergie, etc. Jean-François Kahn. Non mais je trouve c'est terrible au fond, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, ce qu'elle porte, n'a aucune importance. Alors, ce qui est important, c'est qu'elle est juive, c'est qu'elle est blonde, c'est qu'elle est issue des quartiers. Enfin, je trouve là, il y a une dérive qu'on paye très cher. Une des raisons de la montée du Front National, c'est aussi que la gauche a basculé dans cette espèce de vision identitaire où ce n'est plus le fond qui compte, c'est la couleur de peau de celui qui porte, ou l'âge de celui qui porte, ou le sexe de celle qui porte. C'est terrible. Vous imaginez pas les dégâts politiques que ça a fait. Ça, c'est la première remarque. Pour ce qui est des marques, alors pour le coup, c'est pas une nouveauté. Quand Sarkozy prend Kouchner, il fait quoi? Oui, c'est vrai. Quand Mitterrand prend, comment il s'appelait le mec qui avait travaillé sur un radeau là? Vous savez ça? Pardon, son nom m'échappe. L'écologiste. Ouais, enfin bref. Ça nous échappe, on voit bien les auditeurs. Enfin, bref, c'était une marque. Ushuaïa, si je puis dire. Ouais, enfin c'était une marque. Mais même quand les socialistes, au début, ont choisi de présenter Glucksmann, ouais, le fils, c'était une marque. Faut pas se faire d'illusions. Après, donc l'idée d'acheter ou de acheter, enfin, c'est pas bien de dire acheter, mais c'est pas vraiment une nouveauté. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce qu'on a écouté, moi, je vais vous dire, et qui rentre dans vos propos, qui est une interrogation, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la politique française, là où on aimait ou on n'aimait pas Pompidou, Mitterrand, Chirac, même Sanguinetti, enfin je sais pas quoi, on a aujourd'hui Olivier Faure et Éric Ciotti. C'est-à-dire le degré zéro quand même. Vous avez entendu une idée intéressante, une idée nouvelle, une formule, quelque chose venant d'Olivier Faure ou de Ciotti? Jamais, je le disais. Et là, faut s'interroger, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire le constat. Quel est le processus qui fait quand on arrive à cette dégradation? Oui. Sans doute parce que les partis n'étant plus que des clans et des sectes, il n'y a plus de militants. Et donc, c'est souvent les plus sectaires qui ont le dernier mot. Je ne sais pas, mais il faut l'analyser. Oui. Ça, c'est inouï. Ça dépasse l'imagination. Orateur, être le porte-parole d'un parti. Vous imaginez? C'est-à-dire à gauche, surtout à gauche. À gauche, vous avez eu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Duclos était un grand orateur. Mitterrand, n'en parlons pas. Ils ont eu Clémenceau, Jaurès, etc. Et Mélenchon? Mélenchon. Je crois que jamais dans toute l'histoire de la République, on a eu une aussi mauvaise, je ne sais même pas, j'ose dire, oratrice que Madame Panot. C'est effarant. Effarant de nullité. Bon. Et pourquoi Madame Panot, c'est la chef oratrice de l'extrême gauche, de la gauche, qui justement, dont la force était la qualité des orateurs. Il faut s'interroger. Il ne s'agit pas simplement de le constater. Comment ça se fait? Quel est le processus qui peut conduire à cette aberration qu'on n'aurait même pas imaginée hier? Alors, je voudrais maintenant, si vous le voulez bien, qu'on parle d'un autre problème qui concerne la parole de nos dirigeants, parce que finalement, beaucoup de choses que nous avons dites tournent autour d'un moment de dévaluation de la parole de nos dirigeants. Absolument. Alors, il nous faut quand même revenir sur le tollé suscité par les propos le 12 janvier de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra. Tollé qui, cependant, n'a pas conduit à sa démission. Rappelons la séquence exacte. La ministre était en déplacement aux côtés du nouveau Premier ministre Gabriel Attal et elle a été interpellée par un journaliste. Madame la ministre, une question s'il vous plaît. Sur la scolarisation de vos enfants au lycée Stanislas qu'on a appris aujourd'hui, c'est un lycée qui condamne l'homophobie, qui condamne l'avortement dans ses enseignements, qui prône la non-mixité. Est-ce que dans votre vision de l'enseignement, ça révèle quelque chose? Non, là vous êtes totalement dans le procès d'intention. Alors, moi je vais vous dire, je ne vais pas esquiver votre question. La première chose que j'ai envie de relever, c'est que d'abord, si on commence dès le premier jour comme ça sur des attaques personnelles, c'est aussi peut-être parce que ce matin, ce que j'ai pu exprimer était assez inattaquable sur le fond. Alors très bien, on va aller sur le champ du personnel. Eh bien, allons-y. Moi, je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter brièvement cette histoire. Celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacées. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, voilà, d'aller chercher une solution différente. On habitait rue Stanislas. Scolariser nos enfants à Stanislas était un choix de proximité. Et depuis, de manière continue, nous nous assurons que nos enfants sont non seulement bien formés, avec de l'exigence dans la maîtrise des savoirs fondamentaux, et qu'ils sont heureux, qu'ils sont épanouis, qu'ils ont des amis qui sont bien, qui se sentent en sécurité, en confiance. Et c'est le cas pour mes trois petits garçons, mes trois enfants qui sont là-bas. Alors je pense que, avant de stigmatiser les choix des parents d'élèves, il est important de rappeler que l'école, c'est celle de la République, et que la République travaille avec tout le monde dès lors que on est au rendez-vous, voilà, de cette exigence et de ces valeurs. La ministre donc de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra. Bon, moi je vais vous dire franchement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'on est passé immédiatement au débat sur la stigmatisation des gens qui mettent leurs enfants dans les écoles privées. Bon, c'est vrai que c'est un droit de mettre ses enfants dans leurs écoles privées. On n'est même pas obligé de savoir pourquoi. Et c'est là-dessus que s'est exprimé Emmanuel Macron. On a le droit de le faire, ça. Mais il y a un autre problème dans le problème, dans ce propos. C'est les faits. C'est-à-dire les faits allégués par la ministre pour justifier qu'elle ait retiré un enfant de l'école publique. Elle invoque une école, une institutrice dont elle dit que des heures d'absence en paquet n'ont pas été remplacées. Je me permets de dire que l'institutrice a récusé ces faits, que ça n'a pas été établi, qu'il y a eu ce paquet d'absence d'heures non remplacées, et que le cabinet de la ministre a fini par dire les faits semblent lui donner tort à la ministre. Elle a surtout exprimé un ressenti. Donc c'est ça, maintenant, on peut exprimer des ressentis, pas des faits. Une erreur factuelle n'est pas vraiment sanctionnée, c'est-à-dire on dit excusez-moi et puis on peut rester ministre. C'est le rapport à la vérité factuelle qui m'a beaucoup inquiétée, je dois vous dire, dans cette affaire Florent Guénard. Qu'en pensez-vous ? Oui, je suis d'accord avec vous. Alors, le problème du mensonge, on le sait, hein, c'est que d'abord, bon, moralement, c'est pas très bien. Mais si on quitte le point de vue simplement moral, le problème du mensonge, c'est qu'une fois que vous avez menti et qu'on vérifie qu'effectivement vous avez menti, ben après, on a du mal à vous croire. Et je crois qu'en fait, le problème, c'est ça, c'est la dévaluation de ça. Elle a tout à fait le droit de mettre, effectivement, comme vous l'avez dit, ses enfants dans le privé. Ce sont des choix personnels, etc. Mais c'est pas de ça dont il est question, puisqu'elle est devenue maintenant autre chose qu'une maman, mais une ministre et donc une personnalité publique dont le discours n'est plus de même nature. Donc c'est plus du tout le discours de la maman qu'elle doit tenir et qu'elle a le droit de tenir. C'est un autre type de parole à laquelle, effectivement, qu'on attend et qui doit être en accord avec les faits. Je suis très embêté qu'effectivement la ministre de l'Éducation nationale, maintenant, toutes les déclarations qu'elle pourra faire seront... Je ne dis pas qu'elles seront fausses, mais elles seront entachées d'un léger soupçon. On est d'accord ? Ou il faudra d'une certaine manière qu'on aille vérifier si ce qu'elle a dit est du ressenti ou l'expression d'un discours public est ce qu'on attend d'elle. Apolline Guyot. Il y a trois choses que je voudrais relever sur cet événement-là. La première, c'est j'avais jamais écouté l'extrait en entier. Et je trouve c'est très surprenant la manière dont elle dit « je vais vous raconter une histoire ». Et elle commence à parler. Et on sait maintenant que c'est un mensonge, mais on se dit, mais pourquoi elle a voulu faire du storytelling sur ce détail? Oui, pourquoi elle nous raconte un truc très privé? Et je pense que c'est, là encore, c'est symptomatique d'une époque qui a toujours besoin de construire des mini-récits, de construire des petites histoires. Et effectivement, là, ce qui est amusant, c'est que maintenant, on sait que c'était pas vrai, mais la sincérité, son ressenti qu'elle va dérouler, qu'elle va structurer, voilà, avec mes trois petits garçons, etc., c'est du storytelling, mais qui n'avait pas lieu d'être à ce moment-là. Donc ça, c'est la première chose, c'est que je pense que la manière dont elle s'est engouffrée dans le mensonge, elle est influencée par la manière dont aujourd'hui on se raconte tout le temps. La deuxième chose, c'est que, à mon sens, ce que vous avez relevé sur la façon dont ensuite son cabinet a dit les faits lui ont donné tort. Ah ouais. Là aussi, c'est révélateur. C'est pas elle a menti, c'est la faute des faits en une certaine manière. Et extraordinaire. Et là, ce que vous dites là, c'est très juste. Ouais, c'est une manière bien sûr rhétorique, mais c'est aussi On est dans une époque où le ressenti, le vécu personnel, la manière dont on perçoit le monde va être de très important. On va valoriser ça par rapport aux faits et à ce qui s'est réellement passé. Et à la limite, c'est pas grave, puisqu'elle a dit c'est des heures qui n'ont pas été sérieusement remplacées. En fait, c'est sérieusement là, le problème, c'est ça veut dire quoi ? Est-ce qu'elle est légitime pour juger de la compétence des profs qui ont remplacé son même si l'enseignante avait été absente, hein. Le fait que le parent soit juge et le ressenti de comment son enfant s'intègre à l'école, est-ce qu'il apprécie ses profs, est-ce que c'est du sérieux, tout ça c'est aussi une appréciation subjective qui va remplacer les faits. Et la troisième chose, c'est que on en parle encore, donc il y a une forme d'inflation d'anecdotes. Qui ici est enfin très surprenant. C'est comme Rachida Dati, hein, le coup politique. C'est comme Rachida Dati. Ça envahit l'espace du commentaire. Ça envahit l'espace du commentaire et puis c'est plus une anecdote qui n'est pas politique, qui n'est pas politique à la base et qui l'est devenue. Alors que Rachida Dati, c'est quand même plus voilà. Oui, puis c'est aussi pour la mairie de Paris dans trois ans. On a quand même oublié de le dire. Bon. Sur ces propos de la ministre, ce rapport aux faits quand même extrêmement nonchalant de la ministre Amélie Oudéa Castéra, Jean-François Kahn. Moi, je crois que c'est vrai qu'on donne à ce dérapage, si j'ose dire, une importance démesurée par rapport au problème qu'elle est confrontée, mais, cela dit, elle doit démissionner. C'est même pas un jugement moral hein, que je dis, parce que c'est pas possible. C'est évident que ça la rattrapera, c'est évident qu'on va lui répéter sans arrêt ça, que ça va la poursuivre, que c'est pas jouable. Déjà, il y avait une erreur au départ, c'est que quand même on peut pas être à la fois en charge des Jeux Olympiques. Vous imaginez ce que ça représente, les Jeux Olympiques, et en même temps, ministre de l'Éducation. Mais alors, ça veut dire que les mots ne comptent pas, comme vous le disiez tout à l'heure. On peut dire tout, plein de choses, et c'est pas grave. Les mots ne comptent pas, c'est la conséquence que je vous ai dit au début. D'ailleurs, je pourrais, dans l'histoire Stanislas, c'est très intéressant. Ce qui est un des thèmes de la droite, c'est, en parole, hein, c'est la laïcité, la laïcité, la laïcité contre les dérives, en particulier d'une certaine gauche qui, en effet, accepte des dérives cléricales du moment que ce sont des musulmans. C'est ça l'idée de la droite. Donc, pour en réaction, laïcité, laïcité. Et là, tout à fait. Ah non, Stanislas, c'est formidable. Alors que le rapport sur Stanislas montre que pour le moins. Ça pose la question de la laïcité et même de l'application de la loi Debré. Alors avec catéchisme obligatoire, avec une explication du patron de Stanislav qui dit oui mais on a confondu. Il y a des cours de catéchisme et des cours d'instruction religieuse, mais c'est pas la même chose. Ah bon, c'est pas la même chose. Mais donc c'est une école. Parce que c'est une école sous contrat normalement. Vous avez à la fois beaucoup de catéchisme et beaucoup d'instruction religieuse, mais c'est pas la même chose que le catéchisme. Et puis il faut voir ce qu'on y dit, hein, sur l'origine de l'homosexualité. Plus, il y a des tas de théories, semble-t-il, qui s'y disent. Sur, comme je vous dis que je regarde bien les sites internet, y compris du Figaro, etc. Comme ils sentent qu'il y a une contradiction, leur argument c'est oui, mais parlez-nous, ça c'est un truc d'enfant ça, parlez-nous plutôt du lycée Averroès musulman de Lille. Mais justement, il y a eu des mesures contre le lycée Averroès musulman de Lille. Justement, donc cette contradiction entre les discours tactiques sur la laïcité et cette défense sans recul, ça joue. Mais pour ce qui est du mensonge... À la limite, je vais vous dire, je veux dire, c'est un peu provocant ce que je vais vous dire. Depuis longtemps, le fait qu'un parti en France s'appelle Parti Socialiste, alors qu'il n'y a pas un membre du Parti Socialiste qui a l'intention d'instaurer quoi que ce soit qui ressemble à du socialisme, c'est un mensonge. Donc vous revenez sur le problème des mots qui nous accompagne depuis toute cette émission. Alors justement, je vais poser une dernière question. À partir du moment où ils sont détachés des choses, c'est vrai que ça n'a plus rien d'importance. Non, je voulais revenir sur la question des mots. Vous avez vu, finalement, c'est ça le problème. C'est, notre question même était le problème. Comment on qualifie ce qui se passe ? Eh bien, il y a un problème de mots et de qualificatifs. La parole semble vraiment dévaluée. Et je crois que vous voulez parler de Rousseau. Je suis désolée, on n'a pas eu le temps de le faire. Mais Rousseau évoque beaucoup de l'exemplarité des gouvernants. Il les exhorte à la vertu dans le discours sur l'économie politique, mais on n'a pas eu le temps de le dire. La question des mots et de comment ils parlent n'est peut-être pas aussi central que l'est ce problème aujourd'hui, Florent Guénard. Le problème de l'exemplarité ? Oui, les oui, mots. Bah, je pense que c'est une question qui mériterait une émission entière, la question de l'exemplarité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui et comment l'homme politique interprète lui-même le rôle qu'il doit jouer en termes d'exemplarité. Eh bien, on reprendra ça une autre fois. Merci beaucoup. On écoute, je vous propose tous les trois d'écouter à présent la chronique de Frédéric Worms qui nous parle de la reconnaissance toute la semaine. Voici le pourquoi du comment. Comment reconnaître chacune et chacun ? Lorsque l'on parle de la reconnaissance et de ses enjeux moraux, sociaux, politiques, qu'on a bien raison de mettre au cœur de nos vies morales, individuelles et aussi sociales et collectives, lorsque l'on parle de la reconnaissance, on se trompe souvent dans l'ordre des problèmes. On pense qu'il y a d'abord une structure générale de la connaissance ou de la reconnaissance sociale et politique, et on pense que la reconnaissance singulière des sujets humains les uns par les autres a quelque chose d'une sorte de luxe riche. Parle pour la reconnaissance intersubjective de ce miracle, de cette merveille de la reconnaissance de l'être aimé sur une photo ou dans la vie ou dans ce miracle de la fête, de la retrouvaille. C'est un luxe, c'est un miracle, alors qu'en fait peut-être cette reconnaissance de la singularité a quelque chose de premier. Et par exemple dans la justice sociale, de grands penseurs repris par Ricoeur dans son livre, comme Axel Honneth, comme Jean-Marc Ferry, beaucoup de philosophes contemporains ont repris ce qu'on appelle les ordres de la reconnaissance. Il faut être reconnu dans tous les domaines de l'existence sociale, en effet. Il faut être reconnu comme sujet politique. Il faut être reconnu dans différentes sphères, disons, d'identité sociale. Se sentir reconnu, c'est aussi se sentir admis comme différent, se sentir reconnu mutuellement dans un cadre juridique qui reconnaît les droits de chacun, parce que la subjectivité de chacun est au cœur d'une égalité démocratique, comme Sartre l'a très bien montré, disant la dialectique de l'amour et de la haine, je dois reconnaître que l'autre aussi est libre, puisqu'il peut m'aimer, puisqu'il peut me haïr. Et donc finalement, cette reconnaissance des libertés est le cœur de la reconnaissance. Mais il y a une lacune très profonde dans cette idée d'une reconnaissance générale des sujets les uns par les autres, c'est ce déni de la singularité. Le besoin d'être reconnu dans notre contribution singulière au monde, dans notre visage mais aussi dans notre tâche singulière, dans ce que nous faisons un peu différemment, dans notre singularité qui aussi fait toujours appel à des différences qui peuvent faire l'objet de mépris, de déni, de violence, de violation, comme par exemple aussi un mépris d'une conditions féminines ou au contraire d'ailleurs une réduction de l'autre à sa sexualité masculine au fond, eh bien ce mépris fait que nous devons être reconnus non pas seulement comme tel ou tel en général mais d'abord aussi dans notre singularité. Comment reconnaître donc chacune et chacun ? Cela veut dire d'abord qu'il y a des domaines de il y a autant de domaines de reconnaissance qu'il y a de risques de violation possible, qu'il y a de risques de réduction possible. Mais il y a aussi autant de singularités de reconnaissance qu'il y a de personnes humaines vivantes, qu'il y a de personnes humaines singulières. Chacune et chacun, cela veut dire à la fois marquer ses différences, reconnaître des singularités, j'allais dire, dans des ordres différents, mais aussi surtout reconnaître des singularités réelles, reconnaître dans le travail, reconnaître peut-être d'abord par des institutions, créer des cadres où les personnes peuvent se reconnaître de manière singulière, peuvent s'aimer, peuvent se jouer avec leur liberté, peuvent se résister sans se faire la guerre, peuvent se singulariser, peuvent créer des vies singulières, peuvent marquer leurs différences partout où elles vivent, reconnaître chacune et chacun, c'est la condition de la reconnaissance de toutes et de tous. Merci à nos invités d'aujourd'hui, merci à Riyad Kira et Daphné Leblon qui ont réalisé cette émission et avec à la technique Mélodie Hesman et merci à toute l'équipe d'Avec Philosophie. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.